manger, manger. La patoué qui met dans mon plat. Rien n'est plus comme avant, toujours chacun la sienne. Mais vive bien la mienne, mais m'y entends si moi quand même. Comme dit Banna, laisse de mon causer. Ma paix le sourd, tes oreilles, touchons d'un homme à mi toi. Comme dit Banna, laisse de mon causer. La cachette qui veille à moi. Bon Dieu, y voit tout. Mazine, mazine. Tu veux peser, Madonna, zote l'occupation.